Saint-Paul de Lyon. Si vous nous rejoignez en ce mercredi 10 janvier, nous sommes le deuxième mercredi du mois et c'est le rendez-vous mensuel du Grémon, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Alors je me permets de signaler que la plage horaire des émissions du Grémos a changé en cette nouvelle saison. Ce sera désormais, comme j'ai dit précédemment, le deuxième mercredi de chaque mois à 17h. Sachez également que vous pouvez réécouter toutes les émissions du Grémos sur le site de Radio Dio dans l'onglet podcast, mais aussi sur le site du Grémos. Bonsoir, bonjour, bonsoir Karine, bonsoir Axel. Bonsoir Michel Bouteille. Bonsoir. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour une émission qui sera consacrée à la reconversion des mines de la Talaudière et à l'expérience malheureuse de l'industrie Socobert et ses FAMEC. Notre invité, je l'ai signalé, est Michel Bouteille, militant syndicaliste qui a travaillé à Socobert de 1971 à 1975, qui a été un témoin, un acteur des mouvements qui ont traversé l'histoire. La courte histoire de cette entreprise, une histoire qui est, on va essayer de vous le montrer aujourd'hui, l'emblème d'une phase essentielle du bassin stéphanois, celle de la reconversion des mines et plus particulièrement du site de la Chazotte à la Talaudière. Alors pour commencer, je vais demander à Karine de revenir un peu sur l'histoire de ces mines. Alors oui, voilà, je vais essayer de vous présenter cette histoire qui a été marquée par trois grandes périodes entre 1925 et 1968. Cette histoire des mines de la Chazotte, elle commence officiellement le 13 juillet 1825, puisque c'est à cette date que Charles X autorise par ordonnance royale l'exploitation de la concession à différents entrepreneurs. Donc on peut citer notamment Thézenas du Montfel, Jovin des Haies ou encore Colcombet. Voilà, donc pour citer quelques-uns de ces entrepreneurs. Et donc c'est cette date du 13 juillet 1825 que l'on retient comme étant la naissance officielle des mines de la Chazotte. Alors il faut bien savoir que jusqu'en 1850, la production donc est très irrégulière et que les débouchés sont incertains. Et à cette époque, la compagnie n'embauche environ qu'une cinquantaine d'ouvriers. Donc c'est vraiment avec l'arrivée en 1852 d'un jeune ingénieur qui est Maximilien Évrard et qui bien sûr arrive dans un contexte économique favorable où le charbon est une ressource essentielle que les mines de la Chazotte se développent. Alors Maximilien Évrard prend des décisions judicieuses en termes d'investissement puisque en aménageant et en mécanisant entièrement la mine, cela permet d'optimiser les rendements. Oui, alors effectivement, c'est une période favorable puisque c'est la pleine explosion de cette première industrialisation. Et qu'est-ce que les changements que tu viens d'évoquer, Karine, vont apporter ? Alors tout ce processus de modernisation, il apporte bien sûr un nouveau dynamisme pour les mines de la Chazotte qui vont prendre une envergure nouvelle et deviennent une compagnie qui compte au niveau du bassin. Et bien sûr, on assiste à une augmentation de la production. Qui dit augmentation de la production, bien sûr, dit augmentation de la main-d'œuvre, puisque en 1868, on passe à 1300 ouvriers. Donc la Chazotte. Multiplié par 26. Tout à fait, son nombre d'ouvriers. Et c'est une main-d'œuvre qui va être recrutée à quel endroit ? Alors, cette main-d'œuvre, elle vient des campagnes alentour. Qui, pour être plus près de son lieu de travail, va s'installer dans un petit bourg, donc qui est le petit bourg, le petit hameau de la Talaudière. Et ce petit hameau, il dépend jusqu'alors de la commune de Sordet. Donc petit à petit, ce hameau va s'étoffer. Des commerçants s'installent pour répondre aux besoins de cette nouvelle population. Et une nouvelle paroisse va être créée avec une nouvelle église et ce bourg donc sera élevé au rang de commune en 1872. Voilà. Donc c'est important, je trouve, de signaler que c'est grâce à l'expansion de l'activité minière locale que cette commune de la Talaudière voit le jour. Alors en parallèle de la création de la commune, donc dans les années 1870, les mines connaissent une série d'inondations qui endommagent lourdement les installations et qui, bien sûr, entraînent un arrêt de la production qui va être assez long et qui va conduire la compagnie au bord de la faillite. Alors, qu'est-ce qu'elle devient, cette compagnie? Elle fait faillite, elle disparaît complètement? Non, puisque Alors, on elle ne entend va. parler après. Ouais, non, bien sûr. Donc, elle ne disparaît pas. Alors, je voulais juste revenir un petit peu sur l'embauche. Donc, en 1874, la compagnie n'embauche plus que 500 ouvriers. Ça, je voulais faire le point là-dessus. Donc, on embauche, on débauche selon les besoins. Et donc là, on voit que la compagnie s'est vraiment délestée d'un grand nombre de ses ouvriers à cette période-là. Donc, pour revenir à ta question, effectivement, que devient cette compagnie? Eh bien, en 1875, donc là, ça va être on va amorcer une nouvelle, ça va être une nouvelle période pour les mines de la Chazotte. Elles vont être achetées, donc en 1875, par l'entreprise ferroviaire du PLM, donc qui est le Paris-Lyon Méditerranée, l'entreprise du Paris-Lyon Méditerranée, qui va remettre service les installations et la production va repartir à la hausse, repart à la hausse. Je Donc, pense. oui, Oui. c'est une époque, effectivement, on peut le rappeler pour les auditeurs, qu'il n'y a pas la SNCF, ce sont des différentes compagnies qui exploitent les réseaux ferrés. Tout à Donc, fait. c'est du privé. PLM. Oui, voilà, c'est une compagnie privée. Et je pense que ce qui est intéressant aussi de signaler, vu que tu parles du réseau ferroviaire, c'est que le point fort de cette nouvelle entreprise, c'est qu'elle assure elle-même le transport et la distribution du charbon par le biais ferroviaire de son activité en utilisant le chemin de fer de Sorbier qui relie ensuite Saint-Étienne-Pont-de-l'Âne. D'accord. Voilà. Et donc cette évolution des mines, donc c'est la période glorieuse, tout va bien dans ces mines, Alors, dans les années qui suivent. dans les années qui suivent, effectivement, puisque avec le rachat par le PLM, les mines connaissent une période faste. Et elles vont aussi connaître de nombreux changements au niveau des installations, puisque les mines vont bénéficier d'une avancée technique et scientifique. Donc on peut donner comme exemple la modernisation, notamment, enfin, par exemple, du puits Lacroix qui a lieu entre 1932 et 1938, où un nouveau chevalement métallique, celui qui sera en place jusqu'à la fin, hein, qui sera doté d'une machinerie électrique très performante, va permettre, encore une fois, l'augmentation des rendements. Et la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, a joué Alors. un rôle dans cette affaire? Alors tout à fait, puisque même si la production va rester très importante durant la guerre, puisqu'on a besoin de charbon, évidemment, les installations ferroviaires, notamment donc de cette compagnie, vont être très endommagées pendant la période. Et donc le seul moyen de relancer l'activité, c'est de réaliser de grands travaux de rénovation. Mais pour cela, donc des capitaux importants sont nécessaires. Et c'est l'État qui va les apporter en 1846. Et à cette époque-là, les mines vont être nationalisées. Oui, en 1946. 1946. 1946, et donc c'est la création des houillères au niveau national. Tout Tout à est, fait. voilà. Alors c'est une phase importante dans l'histoire des houillères, et donc les mines de la Chazotte connaissent encore un nouvel essor. Alors oui, tout à fait, c'est une phase de transition importante dans l'histoire des houillères et des mines de la Chazotte, bien sûr, puisque grâce au par l'État, les mines de la Chazotte vont encore et à nouveau relancer leur activité. Et la politique d'exploitation va changer un petit peu, va changer à cette période, puisque les petits sites d'exploitation vont être complètement abandonnés. Et cette exploitation, elle va être concentrée sur trois sites majeurs, donc le puits Saint-Joseph, le puits Lacroix et la fondue de la Chazotte à partir de 1952. Donc c'est une nouvelle exploitation, mais en même temps qui va, c'est un peu le chant du phénix là, ça va finir par retourner complètement et on annonce la fermeture. Voilà, effectivement. Donc, cette fermeture des mines de la Chazotte, elle est annoncée dès 1966, donc 20 ans après la nationalisation, et elle prend effet au tout début de l'année 1968, puisque la dernière tonne de charbon est remontée le 13 janvier de cette même année. Donc, le plâtre, donc dans la foulée, le plâtre de la Chazotte avec toutes ses installations techniques est démoli, donc les lavoirs, le bâtiment du crible, les bureaux, et dans la foulée, l'usine d'aggloméré. Et donc, sur cet emplacement, donc, cet emplacement va être transformé en terrain industriel et il sera vendu à prix réduit par les houillères du bassin de la Loire. Et c'est sur ce terrain-là que sera construite une nouvelle entreprise, Socobert la Soupape. Oui, donc c'est l'époque où, d'une part, il y a le plan charbonnier Jeanneney qui date de 1960, hein, qui annonce la disparition progressive du charbon. Et deuxièmement, c'est la grande époque de création des zones industrielles. Donc les industries vont sortir des villes et se développer sur des espaces spécifiques, notamment la zone industrielle de la Chazotte, qu'on connaît bien aujourd'hui. Alors, cette reconversion est organisée par les houillères du bassin. Et comment ça s'est négocié, Michel ? Alors, je crois qu'il faut dire tout de suite que les houillères du bassin de la Loire sont devenues les houillères du centre et du Midi. Mmh. Et les houillères du centre et du Midi ont créé une société financière, la société financière de reconversion des établissements miniers. Et comme l'a dit Karine, l'annonce dès l'annonce de la fermeture en 68, donc en 69 et 70, la Sofirem, les pouvoirs publics et les houillères du centre et du Midi ont engagé des négociations pour construire une entreprise, un site industriel à la Chazotte pour reconvertir les mineurs. C'est en fait la première grande opération de la Sofirem et des pouvoirs publics avec la Datar pour créer une entreprise. D'accord. Et donc, dans cette négociation entre les houillères du bassin du centre du Midi, HBCM, c'est ça, hein, et les industries, il y a aussi l'État qui intervient et les communes. Et les communes. En fait, l'ensemble des institutions publiques, du département, de la région, sont engagés dans un processus à cause d'une situation économique qui va avoir périclité les mines et surtout trouver obligé à reconvertir des milliers de mineurs. Mmh. Et en commençant par... Alors, dire tout de suite que cette période a été tendue, y compris au plan social, parce que les organisations syndicales n'avaient pas toutes le même avis sur ce qu'il fallait faire. Certaines se sont engagées en incitant les mineurs à se préparer à changer de métier, en disant tout de suite que lorsque la Sofirem et les houillères ont conclu avec une entreprise de Vénissieux qui s'appelle les Compresseurs Bernard, il a été décidé d'une aide assez considérable à cette entreprise et parallèlement, mais j'y reviendrai, une petite compensation, une prime qui paraissait importante mais qui n'était pas tellement, une prime de reconversion pour les mineurs. Pour l'entreprise, c'était des conditions d'abord d'installation sur un site à un prix aidé. Deuxièmement, la prise en charge de la formation des mineurs. Ces mineurs allaient, les premiers allaient durant 6 mois à Vénissieux en formation. Puis lorsque l'activité de cette entreprise a commencé, elle a commencé en 70, la Sofirem prenait encore en charge un maintien du salaire des mineurs durant 1 an. Y compris l'encadrement et la formation en travail, et troisième élément, y compris pour des charges qui pouvaient apparaître comme des rebuts de travail ou des difficultés de travail des mineurs. Autrement dit, une aide considérable de mon point de vue à l'installation, puis une aide, si on va voir le calendrier tout à l'heure, mais 70-71, des aides en permanence continue touchant un, le matériel, deux, les hommes, les mineurs. On reviendra sur le contexte, mais peut-être on peut dire quelques mots sur un acteur important qui était le maire de la Taloudière. Hein. Donc Jean Platet, médecin des mines, médecin des mineurs, même comme il était qualifié, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et donc quelques mots sur son parcours. Il est né en 1926. Son père et sa mère étaient instituteurs, mais il avait aussi des grands-parents qui avaient été L'un cultivateur, l'autre mineur. Donc c'est quelqu'un qui a été élevé quand même dans un certain héritage d'histoire ouvrière. Médecin des mineurs, je disais, Jean Platet consultait sur deux communes ouvrières de la Taloudière et de Saint-Jean-Bonnefonds. Mais n'hésitez pas aussi à effectuer des visites. Aujourd'hui, ça paraît incongru, mais c'était le cas à l'époque. Dans un large rayon de communes rurales, jusqu'à Sorbier, Fontanaise, Gramont, Saint-Christau, Saint-Éan, où résidaient mineurs et anciens mineurs. Donc il a, jusqu'à sa retraite, le 31 décembre 1989, mené un combat permanent contre les experts de la direction des Houillères pour faire reconnaître les droits à pension des mineurs et des victimes d'accidents ou atteints de la silicose. Donc une conscience sociale qui fait que dès ses études de médecine, donc en 1946-47-48, il est à Lyon et il va s'engager au Parti communiste. Et cette adhésion qui est peut-être consécutive à la répression subie par les mineurs stéphanois à l'occasion de la Grande Grève de 1948. Donc il s'engage à l'intérieur du Parti communiste. Il est aussi proche de la CGT. Et en 1965, c'est une étape importante dans l'histoire du Parti communiste, qui jusque-là ne présentait pratiquement que des ouvriers. Jean Platet est présenté à l'élection municipale de la Taloudière à la tête d'une liste d'union de la gauche. C'est un tournant dans l'histoire de la gauche à l'époque. Contre le maire élu depuis 1947, qui était l'entrepreneur Marcel Tinet. Et la campagne est intéressante parce que justement, comme Karine l'a dit, en 1966, il y a l'annonce de la fermeture, mais des bruits circulaient déjà. Et donc la campagne va porter à la fois sur la récession qui sévit à Saint-Étienne et les perspectives éventuellement de reconversion, et en même temps sur les problèmes nationaux de l'heure. Notamment, il insiste beaucoup sur la formation, sur les études, et sur la question du logement. Et donc, c'est sous son mandat que la commune est entrée dans cette période de reconversion économique, avec la fermeture des mines de la Chazotte, et l'amorce d'un changement urbain qui va donner tout autre visage à la Taloudière, avec la création de logements HLM, la rénovation du centre et la destruction de bâtiments insalubres. Cette notice donc sur Jean Platet donc que tu as rédigée, elle se trouve sur le site du Métron, donc oui. Si on veut plus d'informations ou la consulter, voilà, on vous encourage à aller sur le site du Métron. On écrit Métron MITRON.fr. Tout à fait. On va faire une pause musicale donc avant de se retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Donc nous allons écouter John Lennon, Working Class Hero. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. To be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Bien, Working Class Hero de John Lennon. Ça peut surprendre que cet homme qui est connu comme un personnage assez fantasque fasse une chanson qui parle de la classe ouvrière. Et vous rappelez simplement qu'il est issu de la classe ouvrière avec ses collègues du groupe des Beatles. Et ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est aussi la façon dont il évoque un peu le climat des années 60, avec quand il parle de l'asservissement via la télévision, les drogues, l'alcool, et peut-être effectivement une réponse que certains ont trouvée dans les difficultés qui vont s'accumuler dans les économies d'Europe occidentale. Alors Karine... Alors on arrive dans la deuxième partie de cette émission, donc consacrée donc à la reconversion industrielle du bassin de la Chazotte, donc de la Talaudière et de Saint-Jean-Bonnefonds. Donc à partir de 1968-1969, que je ne me trompe pas de siècle, commence une nouvelle ère industrielle pour la ville et les anciens mineurs du territoire de la Talaudière, Sorbier, Saint-Jean-Bonnefonds, avec l'industrialisation. Avec l'installation de l'entreprise Socobert. Et on va approfondir la question, puisque toi, Michel, tu vas intégrer cette entreprise en juillet 1971. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ton action syndicale ? Oui. Alors, une précision. Socobert s'appelle Socobert la soupape, qui a été créée donc, par les compresseurs Bernard, l'entreprise des compresseurs Bernard. Et il y a deux grands ateliers. Une fonderie où on fond des chemises de moteur, et l'autre, à côté, un atelier d'usinage. Et les mineurs reconvertis sont sur les deux sites, sur les deux établissements, avec un fonctionnement en deux postes et un poste de nuit fixe. Alors, mon embauche à moi a eu lieu le 15 juillet 71. Elle résulte en fait d'intervention d'une bande de copains de ma jeunesse. Comme j'étais à la recherche d'un emploi suite à un engagement dans un mouvement de jeunesse, qui ont favorisé mon embauche de cette entreprise qui fonctionnait depuis un an, c'est-à-dire depuis 1970. Je suis affecté dans une des équipes d'entretien, il y en a deux. Une pour chaque poste, matin et soir. Les interventions de nuit sont faites à la demande de l'encadrement. Plusieurs amis dans le service d'entretien, ce qui facilite mon entrée dans le service. Par ailleurs, je connais de nombreux mineurs reconvertis de la Talaudière et de Sorbier. Et certains ont travaillé avec mon père, qui était au Puy-la-Croix, jusqu'en 1965. Autrement dit, je rentre sur un terrain de travail que je connais peu, mais un terrain de relation dans le monde, avec les salariés, qui est favorable parce que je les connais depuis un certain nombre, depuis longtemps et même beaucoup. Et ton engagement dans l'organisation de jeunesse, elle va déboucher sur son engagement syndical. Oui, alors, j'étais préalablement déjà adhérent à la CGT. Je rejoins la section CGT dès que je rentre dans l'entreprise. Mais je crois qu'il me semble important de situer tout de suite qu'une ambiance particulière de travail, on se retrouve avec des mineurs reconvertis qui sont mis en situation de travail mécanique. Alors, avec tout ce que cela veut dire, ils avaient d'abord été, ils ont eu l'impression, et c'était dans leur discours, dans leurs expressions, d'avoir été abandonnés par la mine et d'avoir été livrés au secteur privé. Et il faut imaginer tout de suite ce que représente pour des mineurs qui avaient une autonomie de travail, qui avaient des comportements individuels et collectifs de solidarité, de travail collectif, de se trouver insérés dans trois machines, autour de trois machines automatiques où ils déposent des pièces qui sont usinées par une machine à un tour automatique et ils le sortent pour le mettre dans des paniers qui vont au contrôle. C'est déjà, je crois, il faut le dire tout de suite, une certaine mutilation des acquis d'une vie de travail. On retrouvera ça plus tard dans l'expression des mineurs. Mmh. Alors moi, je suis donc, je rentre dans cette section syndicale CGT. Il y a deux sections syndicales dans l'entreprise. La section syndicale CGT auquel je contribue et la section CFDT. Elle est animée par deux personnes que je connais bien. Georges Chauvet, que j'avais connu en mouvement de jeunesse, et puis Jean Chapuis, surtout, qui était l'ancien délégué mineur et qui s'était engagé très fortement en appelant les mineurs à faire ce choix de la reconversion en pensant qu'il leur permettrait demain une vie, de continuer une vie professionnelle qui soit meilleure, tout au moins équivalente à ce à quoi ils avaient espéré en quittant les houillères. Alors, nous sommes dans une période en même temps particulière au niveau de la vie syndicale, puisque c'est l'accord d'unité d'action CGT-CFDT au plan national et à tous les niveaux. Et alors, dans l'entreprise, encore plus, avec des personnes qui se connaissent bien, qui se connaissent depuis longtemps, qui s'estiment, qui se respectent, comme le dira Jean Chapuis dans ses écrits ensuite. Et c'est aussi, excuse-moi de te couper, mais oui. L'accord des organisations est fondamental, mais c'est aussi quand même le climat post-68 où il y a une mobilisation permanente quasiment. Ah oui, on est dans un contexte revendicatif unitaire, mais dynamique et avec la perspective de conquête. De conquête syndicale, sociale, financière, et une conquête pour un changement dans l'avenir, pour changer l'avenir, pour changer la vie, certains le diront comme ça ensuite. Et il faut dire, je rappelle les dates, c'est important, 70 démarre l'entreprise, 71, première grève des mineurs, une semaine sur les salaires. Et tu vas connaître deux conflits très difficiles. Et je vais connaître deux conflits dans la même année 72. Au mois d'avril, un lundi matin, au poste du matin, à l'atelier d'usinage, ce sont les ouvriers, notamment les mineurs reconvertis, qui décident de ne pas reprendre le travail, de ne pas prendre le travail. Ils vont à la fonderie, ceux de la fonderie arrêtent les carrousels, et c'est la grève totale. Alors, on est tout de suite engagé dans une grève totale. Les mineurs le disaient eux-mêmes, ils disaient, on avait nous, ceux qui venons de la métallurgie, ou d'ailleurs une pratique syndicale différente, avec l'aspect des voyages, de pétitions, de mouvements, pour eux, on arrête. Quand on était à la mine, on descendait ou on descendait pas. C'est si c'est la grève, c'est la grève totale. Et on se retrouve avec une première grève totale au printemps donc 72 de deux semaines, dont les résultats sont pas au niveau de l'engagement et des efforts faits à ce moment-là, mais oui, ils sont relativement faibles. Dans les semaines qui suivent, ce sont les élections de délégués du personnel qui ont lieu. Je suis candidat pour la liste CGT. Alors, régulièrement, avec la CFDT en commun, nous organisons des réunions d'information Au cours de l'une d'entre elles, à l'automne, au mois d'octobre, des ouvriers de l'atelier d'usinage demandent un vote pour une grève sur les salaires, pour la troisième en 18 mois. Mmh. Elle est décidée à la grande majorité. Il faut dire que les mineurs, entre autres, mais aussi l'ensemble du personnel d'usinage, voulaient des résultats sur les salaires, ce qu'on n'avait pas eu au printemps. C'est donc une nouvelle période de 2 semaines de grève totale. Le résultat complète celui du mois d'avril, mais pas à la hauteur de 4 semaines de grève dans l'année. C'est le maintien du pouvoir d'achat et un léger pourcentage au-dessus. Je veux dire que ces deux conflits sont révélateurs de l'état d'esprit des personnels de production qui ne voulaient plus subir en même temps des conditions particulières de travail, mais aussi des salaires qui étaient relativement bas. Ces deux conflits, ils ont eu quand même des conséquences importantes dans l'entreprise, puisque, cela se comprend bien, une partie du personnel était en désaccord avec ces mouvements. Ah oui. Et notamment, Jean Chapuis, mon ami Jean Chapuis, était en désaccord avec son propre syndicat, la CFDT, et à la fin de la grève de 72, à fin de 72, il décide de créer la CFDT, la CFTC maintenue. Oui. Par ailleurs, les cadres, qui n'étaient pas très nombreux, mais qui existaient et qui subissaient au fond des mouvements sur lesquels ils n'étaient pas maîtres, c'est vrai aussi que les rapports ouvriers et maîtrise était parfois difficile parce que les mineurs n'étaient pas habitués à avoir des gens qui intervenaient sur leur travail. Mmh. La maîtrise, au fond, depuis la croix, c'était pas des petits chefs qui venaient derrière pour voir comment les pièces étaient faites. Et du coup, les cadres et la maîtrise se sont organisés pour créer la CFTC. Et donc, CGC. Mmh. Et donc, fin 72, on se retrouve dans cette entreprise de 400 salariés avec 3 organisations syndicales. Et deuxième étape importante, l'année 74. Alors, une année charnière, décisive pour l'entreprise et pour les personnels. D'abord, dire qu'il y a eu 2 étapes d'entrée des mineurs reconvertis. La première, je l'ai dit, c'était 69-70. Et comme beaucoup de mineurs en activité ne voulaient pas être convertis et revenir, les ouvrières avaient fait un effort assez considérable en maintenant aux nouveaux reconvertis leur situation de protection sociale. On se trouvait donc avec des mineurs qui étaient passés directement en situation de salariés du secteur privé et d'autres qui conservait une partie du statut des mineurs, ce qui était compliqué, qui créait une ambiance en même temps difficile, mais aussi, sur le fond, revendicative. Alors, en septembre 1974, manifestement, le personnel et les organisations syndicales, CGT, CFDT, se disent il faut repartir à une bataille sur les salaires et sur les conditions de travail. Mais dans le même temps, nous apprenons que par la direction que... Ah mais j'ai oublié une étape importante. C'est 72, c'est que les compressions Bernard ont vendu l'entreprise à une société qui s'appelle Floquet Monopole. Alors Floquet Monopole, 2 mots sur Floquet Monopole. Floquet Monopole, c'est un groupe important dirigé par la famille Aymard, une grande famille... d'industriels français. Il y a 2 sites, il y a 2 grandes activités. La première activité, c'est, écoutez-moi bien, Pernod. la famille Aymard possède Pernod, ses distilleries, sa distribution, et elle fonctionne aussi à l'international dans les vins et spiritueux, notamment en Italie, etc. Deuxième activité, qui est la production d'éléments pour l'industrie automobile, avec entre autres, là aussi, des implantations à l'international, notamment au Maroc, et puis avec le soutien d'une banque américaine. Et donc, depuis 72, c'est Floquet Monopole. Depuis 71, pardon, c'est Floquet Monopole. Floquet Monopole qui, en 74, fait dire par le directeur de l'époque, a annoncé que se pose la question d'une vente de l'entreprise ou de l'arrêt de son activité. Alors, c'est vraiment le coup de massue pour l'ensemble du personnel, mais avec le climat et les capacités collectives d'action syndicale de cette entreprise, les choses vont prendre un tour singulier. Tout d'abord, dans l'unité la plus totale, les quatre organisations syndicales se rendent à Paris et on avait su par la CGT parisienne qu'il y avait un conseil d'administration du groupe Aymar-Pernod et on s'invite à ce conseil d'administration. Personne n'a osé nous empêcher de rentrer. Nous sommes rentrés et naturellement on a pris la parole pour expliquer que on voulait savoir ce que étaient les intentions de la famille Aymar de floquer le monopole et surtout exiger le maintien de l'emploi et de l'entreprise qui avait de l'entreprise sur le site, car elle avait là aussi été aidée assez considérablement par les pouvoirs publics au moment de la reprise par Floquet Monopole. Alors ce conflit, il prend une forme, je disais, singulière, car on décide de continuer la production, mais d'empêcher les chemises de partir chez Peugeot et Renault. Et pendant 2 mois et demi, on va produire, et y compris le personnel va veiller, on va mettre des postes de garde pour que personne vienne emmener la production. Et il y avait des réserves suffisantes de fonte pour créer les chemises et pour les usiner pendant plus de 2 mois et demi. Donc ça s'avérera important ensuite, j'y viendrai tout à l'heure, avec le dépôt de bilan. Mais il faut retenir ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un travail assez quotidien avec la presse locale sur l'échec de la reconversion des mineurs. Et alors, il est important de situer que nous sommes à Saint-Étienne, la région stéphanoise. Le maire de Saint-Étienne est Michel Durafour, mais il est aussi ministre du Travail. Ce qui n'est pas négligeable. Depuis l'élection de Giscard d'Estaing. Sous la présidence de Giscard d'Estaing. Mmh. Oui, c'est ça. C'est sous la présidence de Giscard d'Estaing. Et donc, les manifestations sont nombreuses. Des démarches sont faites auprès du sous-préfet chargé des questions économiques. Des tracts à la population sont régulièrement diffusés. C'est, au fond... le phare est mis sur le premier site reconverti des mines qui est en train d'être menacé, car au mois de fin octobre 1974, Floquet Monopole dépose le bilan. Moi, je retiens, si tu me permets, Michel, effectivement, tout ce que tu as dit sur le malaise des ouvriers, de ces ouvriers mineurs qui sont confrontés à un nouveau type de travail. Donc ça, c'est une dimension tout à fait humaine, tout à fait intéressante à évoquer. Et puis aussi cette façon de produire pour les ouvriers. Je rappelle quand même qu'on est la grande période de l'IP aussi, on produit et on vend. Enfin bon, pas dans le cas de Socobert, mais c'est quand même une période assez particulière de l'histoire sociale. Et que fait la mairie dans cette situation? Parce que je rappelle quand même que Jean Platet a été élu en 65, mais il est battu en 71. Et revient Marcel Tinet. Alors, on est reçu par Marcel Tinet. Alors là aussi, on est dans une situation d'un contexte politique qui est quand même particulier. Mmh. C'est le contexte du programme commun. C'est le contexte des perspectives d'un développement des forces de gauche. Et on est reçu par, par Tinet. Par Marcel Tinet, qui est le maire entrepreneur et qui a été aussi ambassadeur. J'y pensais, il a été aussi ambassadeur. Donc, qui a en même temps... Alors, je ne doute pas qu'il soit intervenu, notamment auprès de la Sofirem, auprès des pouvoirs publics. Et puis, il était quand même, je veux dire, en relation directe avec le pouvoir politique. Par contre, par ailleurs, l'équipe de Jean Platet, qui avait été battue en 71, a soutenu le mouvement et est venu à des meetings. Jean Platet et Pierre Damon, à l'époque, participaient à un soutien effectif, quoi. Donc, ce que je veux quand même dire par rapport à ce départ de Floquet Monopole, qui est donc resté que 3 ans à la gestion d'entreprise. Mmh. Les compresseurs Bernard sont restés 2 ans. Floquet Monopole, 3 ans. Mais ce que je n'ai pas évoqué, c'est que le niveau du matériel de production à l'usinage était un matériel dépassé. Ce qui n'était pas le cas de la fonderie. La fonderie était effectivement performante avec une production soutenue, efficace, intéressante. Alors, l'entreprise dépose le Floquet Monopole dépose le bilan et, d'une manière assez exceptionnelle, le tribunal de commerce, qui était présidé par Joseph Optemann à l'époque, décide la liquidation des biens, ce qui d'habitude se traduit par l'arrêt de l'activité, mais avec continuation exceptionnelle de l'activité. Oui, c'est... C'était d'une part la surprise pour beaucoup de monde. D'abord, c'était une satisfaction pour nous. Et donc, on commence. Alors, je reviens tout de suite au fait que nous ayons produit, que les ouvriers aient produit et que les produits ne soient pas partis à Peugeot-Renault, ont été libérés, ce qui a donné du cash à la gestion, au juge commissaire et au syndic, ce qui n'est pas inintéressant. Et du coup, on a engagé des négociations traditionnelles, habituelles, avec le nouveau gestionnaire qui a été quand même jusqu'en décembre le juge commissaire et le syndic. Alors, on a eu... Pour vous dire, le rapport des forces tel qu'il était, contrairement à ce qui s'est passé à beaucoup d'endroits lorsque les entreprises fermaient, on a discuté, négocié et obtenu une actualisation des salaires avec le rattrapage de l'inflation de 8% et une pratique très, très ouverte du juge commissaire. Au mois de décembre, on nous présente les frères Dorin. Les frères Dorin, ils sont propriétaires d'une boulangerie industrielle dans le Nord, apparemment méconnue, en tout cas au moins de nous. Mais nous découvrons rapidement qu'ils pratiquent un peu comme tapis le froid 10 ans après. En effet, ils se portent candidats pour la gestion des entreprises qui ont déposé le bilan dans la région stéphanoise. Alors je les cite parce que c'est important. Ils ont déjà... La société de forgeage de Rives de Gier a déposé son bilan et les Dorin ont acheté. Mm-hmm. Et, oui. Les Éviers Denis de Saint-Étienne. Alors, la société de forgeage de Rives de Gier, c'est 400 salariés. C'est 3 postes de production. Les Éviers Denis, c'est une cinquantaine de salariés. Dépôt de bilan d'une entreprise qui n'avait rien à voir avec nos productions. Mais les Éviers Denis sont repris par les frères Dorin. Mais les salariés sont intégrés à CEFAMEC. J'avais oublié de vous dire quand même que Socobert, la soupape, était devenu, avec les frères Dorin, CEFAMEC. Et aussi, ils reprennent une autre petite entreprise de soupape. Ce qui fait qu'on est avec des employeurs, des patrons, qui ont une pratique de récupération d'entreprise lors du dépôt de bilan. Ils feront la même chose plus tard à Isochrome Isomécanique, qui est à 200 mètres, 300 mètres de Socobert, mais là, qui a 120 salariés. Mmh. Les nouveaux dirigeants de l'entreprise, en fait, gère dans le bassin stéphanois plusieurs entreprises, mais près de 1000 salariés. D'accord. Alors dans cette entreprise, ce qui est remarquable, tu as déjà évoqué au début des années 70, c'est le taux de syndicalisation et l'action syndicale. Alors, la dynamique créée par la sortie d'un dépôt de bilan positif, Elle se répercute, ouais. Elle se continue. Et puis, avec le climat général qui est porteur, comme tu l'as dit tout à l'heure, les résultats et les perspectives font que le mouvement syndical dans sa diversité, même si après il y a une section syndicale qui prend le dessus, est forte. À la CGT, un an après, c'est 50% des salariés qui sont syndiqués, ouais. Et 80% aux élections. Ouais. Et à côté de ça, il reste une petite section CFDT et un élu CFTC, mon ami Jean Chapuis. Jean Chapuis, oui. Et donc, tu vas quitter CFAMEC parce que tu as des responsabilités régionales et nationales qui vont... Oui, alors je vais quand même dire que on a eu une année 75 exceptionnelle avec les frères Dorin. Jean Dorin, qui était un ancien enseignant, qui était lui comme directeur de l'entreprise, nous disait « mais j'ai l'impression d'avoir à faire un rouleau compresseur ». C'est vrai que dans l'année 75, avec la force syndicale dont je parlais, on a eu un accord sur les salaires, avec une actualisation dès que l'inflation dépassait 1%. Ça fait rêver aujourd'hui. Hein, le 13e mois, qui n'existait pas, la suppression du salaire au rendement. Alors que toutes les entreprises de ce type travaillaient au rendement, on avait pris l'engagement syndicalement de dire « si la production diminue, on reviendra au salaire en rendement ». Elle n'a pas diminué. Ce qui montrait que ces mineurs reconvertis et ces ouvriers de la métallurgie qui travaillaient, ils n'étaient pas là pour compter, ils étaient là pour travailler. Et ils travaillaient. Alors, en même temps aussi, avec une valeur du point qui était la plus haute de toute la métallurgie stéphanoise. Et enfin, la création d'une couverture complémentaire à la sécurité sociale, avec la création d'une mutuelle qui couvrait tous les salariés, avec intervention de l'employeur. Je dis ça, ça avait de l'importance, parce que l'aspect de la protection sociale était au cœur de... Il fallait répondre à trois situations différentes des salariés, et on avait trouvé cette formule qui était celle d'une unification de la protection sociale. On va faire une petite pause, peut-être, avant de continuer et conclure. C'est pas grave. C'est pas... Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Fou. Je peux plus exister là. Je d'habiter là. Je sers plus à rien, moi. Y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore. Travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore. Alors, vous êtes bien sur Radio Audio, dans l'émission du Grémos consacrée à la reconversion industrielle des mines de la Chazotte. Donc, je suis accompagnée de Jean-Michel Stenner et de Michel Bouteille. Voilà, donc, Michel, tu nous parlais justement de ton départ de CFAMEC en novembre 1975. Donc, puisque tu as pris à l'époque des fonctions syndicales, départementales et nationales, alors comment ça se passe pour la suite ? Alors, donc oui, fin 75, je quitte l'entreprise. Je quitte pour des fonctions, mais en même temps, on obtient un accord assez, là aussi, inédit dans le secteur privé, parce que je reste à l'effectif salarié, et je ne suis pas rémunéré, mais je reste membre du personnel, y compris jusqu'à la fermeture. Tu fais partie du personnel de CFAMEC. Jusqu'à la fermeture, puisqu'à la fermeture, j'ai reçu une lettre de licenciement. Alors, dire tout de suite quand même que... En 76 et 77, des investissements importants sont réalisés dans l'atelier de mécanique. J'avais indiqué tout à l'heure qu'il y avait une faiblesse originelle avec les compressions Bernard. C'est vrai qu'il y a eu des investissements importants tout de suite en 76-77. Mais en octobre 78, les Derains déposent le bilan de CFAMEC. L'entreprise est occupée jusqu'au printemps 79. Mais sans résultat pour le maintien des activités et des emplois. Alors, on est, je le cite parce que ça a des conséquences et pour le personnel et pour la véritable fermeture d'entreprise, on est dans une situation juridique assez exceptionnelle. Il y a eu en 1974 un dépôt de bilan et un syndic, Maître Dutrier-Vauze, qui devait liquider les biens. Puis, les Derains ont pris l'entreprise, mais ils n'ont jamais tenu leurs engagements financiers concernant ce prix avec le syndic du Trier-Vauze pour régler une partie de la facture de 1974. Et donc, nouveau dépôt de bilan, c'est un autre syndic, Maître Portalier, qui doit, là aussi, décider. Il y a une décision de liquidation des biens. Et on a deux liquidations des biens, mais personne ne sait qui. Personne ne sait vraiment à qui sont les biens et à qui l'entreprise. Ce qui a créé des complications d'une part énorme. Et puis qui, à mon avis, il me semble, coupé toute perspective de continuation de l'activité. Ce problème juridique a amplifié une situation sociale très difficile. C'est donc la fin de CFAMEC, la fin de Socobert. Alors, je termine sur cet aspect de la fin de Socobert en activité pour vous dire que Socobert, la soupape, à sa création, n'a jamais vu ni construit une soupape. À Socobert. C'est un comble. C'est probablement un des plus mauvais coups des frères Bernard qu'ils ont pu faire à la reconversion des mineurs, y compris une entreprise qui s'appelait Socobert la soupape, qui n'a jamais fait une seule soupape. Alors, un article du responsable des questions économiques, Jean Tibi, au Progrès, avait bien d'ailleurs situé cette réalité en disant Socobert, le titre de son article, c'était Socobert, le boxeur au poing coupé. Alors, pour conclure un petit peu ton propos, Michel, je vous propose d'écouter un extrait audio d'un reportage qui a été tourné en 1979 pendant les grèves qui ont lieu suite à l'annonce de la cessation d'activité de l'usine CFAMEC. Voilà, c'est une archive conservée à la Cinémathèque de Saint-Étienne. On l'écoute et on se retrouve juste après pour en discuter. Ici, bon, les travailleurs viennent d'occuper leur entreprise parce que le tribunal de commerce vient de décider la cessation d'activité après 4 mois de règlement judiciaire. Les 4 ans qui viennent d'être vécus, je dirais même les 8 pratiquement, sont jalonnés de scandales à tous les niveaux. L'entreprise appartenait à Floquet Monopole qui détient pratiquement la totalité du marché de la pièce de rechange automobile, qui en 1974 a lâché cette entreprise. Et a emporté avec lui, on peut dire, la quasi-totalité du marché de rechange automobile. Il est donc resté plus à ces FAMEC que la production de chemises, de quelques soupapes et de quelques axes de pistons au niveau de la production donc de pièces automobiles pour les constructeurs, à savoir essentiellement Renault et Peugeot. Alors, déjà là, on avait réduit le potentiel de l'entreprise à la production de pièces neuves et donc extrêmement dépendante des gros constructeurs d'automobiles. Les patrons actuels, Claude et Jean Derain, ont été amenés ici par les pouvoirs publics dans la mesure où cette entreprise avait été instaurée dans le cadre de la réindustrialisation d'un bassin minier, celui de Saint-Étienne, et que il fallait, dans ce cadre-là, monter des entreprises qui permettent de dire au niveau des pouvoirs publics qu'on réindustrialisait effectivement cette région où on avait licencié des dizaines de milliers de personnes au niveau des mines. Alors, on vient d'entendre Georges Picon, représentant syndical CGT, qui, dans cet extrait, résume en quelques phrases toute l'affaire jusqu'à la cessation d'activité décidée par le tribunal de commerce en mars 1979. Et il termine sur la question des fonds publics injectés dans ce qui devait être le fleuron de la reconversion. Et ces fonds donc ont été détournés par les entrepreneurs. Alors, c'est un premier point qui nous permet de constater donc l'échec de cette reconversion. L'échec de cette reconversion, il est patent puisqu'on a eu trois employeurs, trois groupes pour gérer cette entreprise en 9 ans. Et alors, ce qui est paradoxal même, c'est que, y compris en début 79, les frères Derain ont encore sollicité la Sofirem et les pouvoirs publics pour essayer de monter une autre société. Donc ils avaient des raisons particulières, on y viendra tout à l'heure, mais ça n'a pas pu se faire à cause que j'ai dit de la complexité de la situation juridique, financière, administrative, avec deux syndics, deux sociétés où on cherchait à qui appartient quoi. Donc c'est tombé à l'eau. Un autre petit employeur lyonnais qui avait une petite fonderie a proposé de reprendre la fonderie avec une quarantaine de personnes, mais cela ne s'est pas fait non plus à cause de la situation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on peut aussi s'interroger sérieusement sur le suivi des pouvoirs publics d'une affaire comme celle-là, pas moyen de démêler cet élément. Alors donc, en 79, les mineurs les mineurs et l'ensemble des salariés ont été licenciés. Mais je voudrais revenir sur les mineurs reconvertis. Pour eux, ça a été une catastrophe pour beaucoup. Certains avaient 18, 20 ans de mine. Mmh. Ils voyaient le bout de leur chemin professionnel. Ils se sont trouvés, pour la première série dont j'ai parlé, qu'il n'y avait pas de protection sociale minière, ils se sont retrouvés au chômage, à la CELIC, comme les autres salariés. Et ça, ça a été pour eux quelque chose de dramatique. Un certain nombre ont cherché à retourner à la mine en intérim, dans les mines à Grenoble, côté de Grenoble. La Mure. À la Mure. D'autres sont partis au Koweït, parce qu'une entreprise du Koweït était venue les chercher sous l'aspect mécanique et fonderie. D'autres sont repartis, un certain nombre d'immigrés sont repartis en Algérie. Et donc, une situation, un vécu difficile, très difficile, pour tous ceux qui ont vécu cette liquidation. On va entendre un deuxième extrait de ce reportage de 1979, et où on va entendre un petit peu la désillusion, justement, la désillusion de ces mineurs. Donc on va écouter ce second extrait, et on se retrouve juste après. Il faut dire une chose quand même, cette usine a été créée pour les mineurs, pour parfaire leurs 10 ans de sécurité sociale qui étaient nécessaires pour une conversion de sécurité sociale. Bon, bah, les mouillères, en l'occurrence à Sofirem, n'a pas tenu ses engagements. Alors c'est ce que tous les mineurs ici déplorent, parce que ça crée des problèmes au point de vue de l'Agence nationale de l'emploi, au point de vue de la CEDIC et au point de vue mineurs convertis. On est venu ici de la chose d'autre, nous avons dit, ben les gars, il faut venir à l'usine, et vous aurez une bonne place, vous allez faire votre carrière à l'usine, et puis maintenant, ben, on est dans le sac. Oui, parce qu'on est deux, là, on est deux, des fois plusieurs mineurs reconvertis, on nous a pas foutu à la porte de la mine, mais on nous a poussé pour partir de la mine. Alors on nous disait, on monte une usine pilote à la chasse d'hôte, vous verrez, vous y serez bien. Il y a des gars comme moi, j'avais 15 ans de mine. J'avais 15 ans de mine. Hein, 15 ans de mine, je ne pouvais pas finir. Il y a des collègues qui sont partis avec 22 ans de mine, dont ça fait 8 ans qu'ils sont partis, que la mine tourne encore. Ils auraient eu le temps de faire leur 30 ans de service. Les 30 ans de mine, ils pouvaient prendre leur retraite après. Et les houillères, ils ont dit qu'ils ne laisseraient pas tomber. Et puis on s'aperçoit que maintenant on a fait des démarches et on n'a absolument rien du tout d'eux. Absolument rien. On est 85 mineurs, je crois, reconvertis dans cette boîte. Et on se retrouve tous au plancher. Alors à 40 et quelques années, et des fois plus, ben pour trouver du travail, et situation de famille et tout, pour trouver du travail, ça sera vraiment dur. Allez. Ça fait déjà deux fois qu'on est viré, en somme. Je reste à la mine, je finis ça le 12 juin. Et moi aussi, j'aurais fini d'ailleurs. Moi, j'aurais eu 33 ans de mine au mois de juillet. On n'est pas les seuls, je crois qu'on est presque la majorité. Hein. Dans le cadre de cette reconversion minière, bien entendu, les frères de Reims sont arrivés à grand renfort de fonds publics. On peut estimer, pas seulement pour les frères de Reims, mais pour les trois patrons, les compresseurs Bernard, Floquet Monopole, puis les frères de Reims, que cette entreprise a été l'objet de l'investissement de près de 3 milliards d'anciens francs de fonds publics ou parapublics. Alors Michel, sur cette intervention... Ah ben, ces interventions, elles sont très éclairantes sur ce que je disais précédemment, notamment sur ce qu'avaient vécu les mineurs. Et le premier que j'ai entendu, c'est un de ceux qui est allé à la mûre. Avec 15 ans de fond, il est retourné en intérim à la mûre. Et il est maintenant décédé très, très vite après la fin de son activité. Autrement dit, on a eu un gâchis humain, un gâchis matériel, un gâchis financier. Ce qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est que la Sofirem est intervenue dans une centaine d'entreprises de la région stéphanoise pour la reconversion des mineurs. Mais sur des petites unités, elle a favorisé, entre autres, ce que personne, peu de gens savent, l'installation des Ben Marel à Andrézieux, qui ont quitté Saint-Étienne à Andrézieux, et qui ont embauché des mineurs. C'est aussi vrai pour Prosine Saint-Chamond, qui était venue de Saint-Étienne sur le site du Clos Marquet. C'était vrai pour des entreprises diverses. C'était vrai aussi, surtout, pour Sablé, qui a été créé à Roche-la-Monnaire, de la même manière qu'a été créé Socobert. Et d'ailleurs, pour la petite histoire et pour boucler la boucle, ou presque, le premier directeur de Socobert était le directeur de Sablé à sa création. Donc une histoire qui est celle de mineurs reconvertis et, comme l'a dit Georges Picon tout à l'heure, un échec remarquable. Oui, alors merci Michel. Je retiendrai, moi, deux choses quand même. La première, c'est ce qu'a évoqué Georges Picon et ce qu'il a parlé plusieurs fois, c'est ces patrons un peu chasseurs de primes qui ont fondu sur le bassin stéphanois et qui ont pillé un peu les richesses matérielles, mais surtout humaines, et avec un gâchis que tu as bien souligné. La deuxième chose, je crois, ce qui m'a frappé dans ton témoignage, c'est cette espèce de double phase qu'on a dans les années 70, une phase de montée presque victorieuse, hein, même victorieuse des luttes sociales, donc une phase tout à fait enthousiasmante. Et puis ce déclin qui intervient à partir de 76-77 et qui est aussi qui va être traduit politiquement par la fin du programme commun et donc beaucoup d'espoirs qui seront un peu rallumé en 81, mais finalement, peut-être qu'il y a des occasions qui ont été perdues, notamment au moment des élections législatives de 78. Mmh. Ah, ça, c'est une autre question. Un élément de morale. Il est important de savoir que Jean Dorin, le directeur de l'entreprise, a été condamné pour abus de biens sociaux par les instances judiciaires et emprisonné à la Talonnière. à la maison d'arrêt départementale de la Talaudière. À la Talaudière, on évite bien de dire maison d'arrêt de la Talaudière, mais maison départementale, prison départementale. Et il a été surveillé par deux anciens ouvriers qui se sont, eux, reconvertis en gardiens de prison. Bien. Voilà, bah, je crois que ce sera la conclusion, le mot de la fin. Donc, merci Michel pour ton témoignage et ton analyse sur cette reconversion. Un grand merci Jean-Michel, grand merci Axel à la technique. On passe à l'agenda, Jean-Michel ? Juste une chose à dire, c'est donc le 26 janvier, c'est un vendredi, je crois, à 19h, à l'Amicale laïque de Villebeuf-le-Haut. Donc, une présentation par Roland Fournel, qui est membre du Grémos et aussi de l'association ripagérienne d'histoire de Rive de Gier, sur les mines de Villebeuf. Hein. Peu de Stéphanois savent que sur cette colline richement habitée aujourd'hui, il y a eu pendant longtemps des puits de mines. Et à cette occasion, donc, le Théâtre des Trois Coups va lire des textes de Séverine qui était venu en 1890 pour la catastrophe du puits Pélissier. Séverine qui était journaliste et qui était la compagne de Jules Vallès à la fin de sa vie, donc qui a écrit des textes tout à fait bouleversants. Et qui lui a valu d'ailleurs que la municipalité Louis Soulier, dans les années 20, a donné son nom à une rue de Saint-Étienne. Merci à tous. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos, qui aura lieu le mercredi 14 février à 17h. Nous serons en compagnie de Kevin Crespi, du Centre social du Chambon-Feugerolles, pour une émission intitulée « Le Chambon se raconte ». Très bonne soirée sur Dio. Bye bye.